qu'on peut être pas infusible. Passer du beurre qu'à y a l'usine, on se perdra à rugir avec poésie. Frère, divers jazz, Omer ta musique, passe ta reprod. Divers, dites-leur. J'ai bouffé du ciment comme une bétonnière, déchiré le silence, une plume en main, un pet aux lèvres. J'ai gravé dans le béton mon blase, mes valeurs. C'est le fruit d'une adolescence qui se bat pour tel ou tel domaine. La tête pleine et les poches vides, j'ai fini beaucoup de mes nuits à dégueuler ma race dans les chiottes d'un piètre hôtel. Ils m'ont dit de me mettre au vert, d'écouter du Beethoven, d'arrêter de squatter, car on sait bien où l'esprit du ghetto mène. Dites-leur que je fais pas du rap pour me plaindre, encore moins pour plaire. J'y ai joué ma vie quitte à tout perdre. Mettez-moi sous perte, dites-leur que j'ai plus de réserve, que ma plume s'éteigne si personne m'entend, que c'est qu'on lit sur mes lèvres. Je n'ai pas de place toute faite, mes lacunes s'élèvent comme un rat sous terre. J'ai rangé chaque pierre jusqu'à ce que la brute s'éveille. Entre lapsus et crème, pas besoin qu'impsios culte mes rêves. Dites-leur vraiment que je me suis fait seul sous la loi du marche ou crève. À ces petits frères que j'ai pris sous mon aile, dites-leur que les années passent et qu'on fumera la vie jusqu'à l'infection pulmonaire. On aura plus ou moins nos victoires fusionnelles, on ne restera que les autres. Mes fils, ils nous retirent sa muselière. J'ai la rage en moi, j'm'épuise trop mec. Juste pour elle, je suis resté le même. Demandez à celle qui partage mon toit. J'ai la baraque à croire qu'on joue les rap à joie. Maladroit, je m'en bats la race. Dites-leur que je n'ai plus ce problème.